Je demeurais, après cette lecture, dans un état qu'il me serait difficile à décrire, car j'ignore encore aujourd'hui par quelle espèce de sentiment je fus alors agitée. Ce fut une de ces situations uniques auxquelles on n'a rien éprouvé qui soit semblable. On ne saurait les expliquer aux autres, parce qu'ils n'en ont pas l'idée, et l'on a peine à se les bien démêler à soi-même, parce qu'étant seul de leur espèce, cela ne se lie à rien dans la mémoire et ne peut même être rapproché d'aucun sentiment connu. Cependant, de quelque nature que fussent les miens, il est certain qu'il devait y entrer de la douleur, du dépit, de la jalousie et de la honte. Heureux s'il n'y fût pas entré encore plus d'amour. Elle-même, je veux le croire, mais ne faudrait-il pas, m'écriai-je, qu'elle fût un monstre pour me haïr? Quel droit eut-on jamais sur un cœur que je n'ai pas sur le sien? Que me reste-t-il à faire pour elle, après tout ce que je lui ai sacrifié? Cependant, elle m'abandonne, et l'ingrate se croit à couvert de mes reproches en me disant qu'elle ne cesse pas de m'aimer. Elle appréhende la fin, Dieu d'amour! Quelle grossièreté de sentiment! Et que c'est mal répondre à ma délicatesse! Je ne l'ai pas appréhendée, moi, qui m'y expose si volontiers pour elle en renonçant à ma fortune et aux douceurs de la maison de mon père, moi, qui me suis retranchée jusqu'au nécessaire pour satisfaire ses petites humeurs et ses caprices. Elle m'adore, dit-elle. Si tu m'adorais, ingrate, je sais bien de qui tu aurais pris des conseils. Tu ne m'aurais pas quittée, du moins, sans me dire adieu. C'est à moi qu'il faut demander quelle peine cruelle on sent à se séparer de ce qu'on adore. Il faudrait avoir perdu l'esprit pour s'y exposer volontairement. Mes plaintes furent interrompues par une visite à laquelle je ne m'attendais pas. Ce fut celle de Lescaut. « Bourreau, lui dis-je, en mettant l'épée à la main, où est Manon? Qu'en as-tu fait ?» Ce mouvement l'effraya. Il me répondit que, si c'était ainsi que je le recevais, alors qu'il venait me rendre compte du service le plus considérable qu'il eût pu me rendre, il allait se retirer et ne remettrait jamais le pied chez moi. Je courus à la porte de la chambre que je fermais soigneusement. « Ne t'imagine pas, lui dis-je, en me tournant vers lui, que tu puisses me prendre encore une fois pour dupe et me tromper par des fables. Il faut défendre ta vie ou me faire retrouver Manon. » « Là, que vous êtes vif !» repartit-il. « C'est l'unique sujet qui m'amène. Je viens vous annoncer un bonheur auquel vous ne pensez pas et pour lequel vous reconnaîtrez peut-être que vous m'avez quelque obligation. » Je voulus être éclairci sur le champ. Il me raconta que Manon, ne pouvant soutenir la crainte de la misère et surtout l'idée d'être obligée tout à coup à la réforme de notre équipage, l'avait prié de lui procurer la connaissance de monsieur de G.M., qui passait pour un homme généreux. Il n'eut garde de me dire que le conseil était venu de lui, ni qu'il eût préparé les voies avant que de l'y conduire. « Je l'y ai mené ce matin, continua-t-il, et cet honnête homme a été si charmé de son mérite qu'il l'a invité d'abord à lui tenir compagnie à sa maison de campagne où il est allé passer quelques jours. « Moi, ajouta Lescaut, qui est pénétré tout d'un coup de quel avantage cela pouvait être pour vous, je lui ai fait entendre adroitement que Manon avait essuyé des pertes considérables et j'ai tellement piqué sa générosité qu'il a commencé par lui faire un présent de 200 pistoles. Je lui ai dit que cela était honnête pour le présent, mais que l'avenir amènerait à ma sœur de grands besoins, qu'elle s'était chargée d'ailleurs du soin d'un jeune frère qui nous était resté sur les bras après la mort de nos pères et mères et que, s'il la croyait digne de son estime, il ne la laisserait pas souffrir dans ce pauvre enfant qu'elle regardait comme la moitié d'elle-même. Ce récit n'a pas manqué de l'attendrir. Il s'est engagé à louer une maison commode pour vous et pour Manon, car c'est vous-même qui êtes ce pauvre petit frère orphelin. Il a promis de vous meubler proprement et de vous fournir tous les mois 400 bonnes livres qui en feront, si je compte bien, 4 800 à la fin de chaque année. Il a laissé ordre à son intendant, avant que de partir pour sa campagne, de chercher une maison et de la tenir prête pour son retour. Vous reverrez alors Manon, qui m'a chargé de vous embrasser 1000 fois pour elle et de vous assurer qu'elle vous aime plus que jamais. » Je m'assis en rêvant à cette bizarre disposition de mon sort. Je me trouvais dans un partage de sentiments et, par conséquent, dans une incertitude si difficile à déterminer que je demeurais longtemps sans répondre à quantité de questions que Lescaut me faisait l'une sur l'autre. Ce fut, dans ce moment, que l'honneur et la vertu me firent sentir encore les pointes du remords et que je jetai les yeux, en soupirant, vers Amiens, vers la maison de mon père, vers Saint-Sulpice et vers tous les lieux où j'avais vécu dans l'innocence. Par quel immense espace n'étais-je pas séparée de cet heureux état ? Je ne le voyais plus que de loin, comme une ombre qui s'attirait encore mes regrets et mes désirs, mais trop faible pour exciter mes efforts. Par quelle fatalité, disais-je, suis-je devenue si criminelle ? L'amour est une passion innocente. Comment s'est-il changé, pour moi, en une source de misère et de désordre ? Qui m'empêchait de vivre tranquille et vertueux avec Manon ? Pourquoi ne l'épousais-je point, avant que d'obtenir rien de son amour ? Mon père, qui m'aimait si tendrement, n'y aurait-il pas consenti si je l'en eusse pressé avec des instances légitimes ? Oh, mon père l'aurait chéri lui-même comme une fille charmante, trop digne d'être la femme de son fils. Je serais heureux avec l'amour de Manon, avec l'affection de mon père, avec l'estime des honnêtes gens, avec les biens de la fortune et la tranquillité de la vertu. Revers funeste, quel est l'infâme personnage qu'on vient ici me proposer ? Quoi ? J'irai partager ? Mais y a-t-il à balancer, si c'est Manon qui l'a réglé, et si je la perds sans cette complaisance ? Monsieur Lescaut, m'écriai-je en fermant les yeux, comme pour écarter de si chagrinantes réflexions, si vous avez eu dessein de me servir, je vous rends grâce. Vous auriez pu prendre une voie plus honnête. Mais c'est une chose finie, n'est-ce pas ? Ne pensons donc plus qu'à profiter de vos soins et à remplir vos projets. Lescaut, à qui ma colère, suivie d'un fort long silence, avait causé de l'embarras, fut ravi de me voir prendre un parti tout différent de celui qu'il avait appréhendé sans doute. Il n'était rien moins que brave, et j'en eus de meilleures preuves dans la suite. « Oui, oui, se hâta-t-il de me répondre, c'est un fort bon service que je vous ai rendu, et vous verrez que nous en tirerons plus d'avantages que vous ne vous y attendez. » Nous concertâmes de quelle manière nous pourrions prévenir les défiances que monsieur de G.M. pouvait concevoir de notre fraternité, en me voyant plus grand et un peu plus âgé peut-être qu'il ne se l'imaginait. Nous ne trouvâmes point d'autre moyen que de prendre devant lui un air simple et provincial et de lui faire croire que j'étais dans le dessein d'entrer dans l'état ecclésiastique et que j'allais pour cela tous les jours au collège. Nous résolûmes aussi que je me mettrais fort mal la première fois que je serais admis à l'honneur de le saluer. Il revint à la ville 3 ou 4 jours après. Il conduisit lui-même Manon dans la maison que son intendant avait eu soin de préparer. Elle fit avertir aussitôt Lescaut de son retour et, celui-ci m'en ayant donné avis, nous nous rendîmes tous deux chez elle. Le vieil amant en était déjà sorti. Malgré la résignation avec laquelle je m'étais soumis à ses volontés, je ne pus réprimer un murmure de mon cœur en la revoyant. Je lui parus triste et languissant. La joie de la retrouver ne l'emportait pas tout à fait sur le chagrin de son infidélité. Elle, au contraire, paraissait transportée du plaisir de me revoir. Elle me fit des reproches de ma froideur. Je ne pus m'empêcher de laisser échapper les noms de perfide et d'infidèle que j'accompagnais d'autant de soupirs. Elle me railla d'abord de ma simplicité, mais lorsqu'elle vit mes regards s'attacher toujours tristement sur elle et la peine que j'avais à digérer un changement si contraire à mon humeur et à mes désirs, elle passa seule dans son cabinet. Je la suivis un moment après. Je l'y trouvai tout en pleurs. Je lui demandai ce qui les causait. « Il t'est bien aisé de le voir, me dit-elle. Comment veux-tu que je vive si ma vue n'est plus propre qu'à te causer un air sombre et chagrin ? Tu ne m'as pas fait une seule caresse depuis 1 heure que tu es ici et tu as reçu les miennes avec la majesté du grand Turc au sérail. Écoutez, Manon, lui répondis-je en l'embrassant, je ne puis vous cacher que j'ai le cœur mortellement affligé. Je ne parle point à présent des alarmes où votre fuite imprévue m'a jetée, ni de la cruauté que vous avez eue de m'abandonner sans un mot de consolation après avoir passé la nuit dans un autre lit que moi. Le charme de votre présence m'en ferait bien oublier davantage. Mais croyez-vous que je puisse penser sans soupir et même sans larmes, continuai-je en versant quelques-unes, à la triste et malheureuse vie que vous voulez que je mène dans cette maison? Laissons ma naissance et mon honneur à part. Ce ne sont plus des raisons si faibles qui doivent entrer en concurrence avec un amour tel que le mien. Mais cet amour même, ne vous imaginez-vous pas qu'il gémit de se voir si mal récompensé, ou plutôt traité si cruellement par une ingrate et dure maîtresse? Elle m'interrompit. « Tenez, dit-elle, mon chevalier, il est inutile de me tourmenter par des reproches qui me percent le cœur lorsqu'ils viennent de vous. Je vois ce qui vous blesse. J'avais espéré que vous consentiriez au projet que j'avais fait pour établir un peu notre fortune, et c'était pour ménager votre délicatesse que j'avais commencé à l'exécuter sans votre participation. Mais j'y renonce, puisque vous ne l'approuvez pas. » Elle ajouta qu'elle ne me demandait qu'un peu de complaisance pour le reste du jour, qu'elle avait déjà reçu 200 pistoles de son vieil amant et qu'il lui avait promis de lui apporter le soir un beau collier de perles avec d'autres bijoux et par-dessus cela la moitié de la pension annuelle qu'il lui avait promise. « Laissez-moi seulement le temps, me dit-elle, de recevoir ses présents. Je vous jure qu'il ne pourra se vanter des avantages que je lui ai donnés sur moi, car je l'ai remis jusqu'à présent à la ville. Il est vrai qu'il m'a baisé plus d'un million de fois les mains. Il est juste qu'il paye ce plaisir. » Et ce ne sera point trop que 5 ou 6 000 francs, en proportionnant le prix à ses richesses et à son âge. Sa résolution me fut beaucoup plus agréable que l'espérance des 5 000 livres. J'eus lieu de reconnaître que mon cœur n'avait point encore perdu tout sentiment d'honneur, puisqu'il était si satisfait d'échapper à l'infamie. Mais j'étais né pour les courtes joies et les longues douleurs. La fortune ne me délivra d'un précipice que pour me faire tomber dans un autre. Lorsque j'eus marqué à Manon, par 1000 caresses, combien je me croyais heureux de son changement, je lui dis qu'il fallait en instruire M. Lescaut afin que nos mesures se prissent de concert. Il en murmura d'abord, mais les 4 ou 5 000 livres d'argent comptant le firent entrer gaiement dans nos vues. Il fut donc réglé que nous nous trouverions tous à souper avec M. de G.M., et cela pour deux raisons. L'une, pour nous donner le plaisir d'une scène agréable en me faisant passer pour un écolier, frère de Manon. L'autre, pour empêcher ce vieux libertin de s'émanciper trop avec ma maîtresse, par le droit qu'il croirait s'être acquis en payant si libéralement d'avance. Nous devions nous retirer, Lescaut et moi, lorsqu'il montrait à la chambre où il comptait de passer la nuit. Et Manon, au lieu de le suivre, nous promit de sortir et de la venir passer avec moi. Lescaut se chargea du soin d'avoir exactement un carrosse à la porte. L'heure du souper étant venue, M. de G.M. ne se fit pas attendre longtemps. Lescaut était avec sa sœur dans la salle. Le premier compliment du vieillard fut d'offrir à sa belle un collier, des bracelets et des pendants de perles qui valaient au moins 1000 écus. Il lui conta ensuite, en beau louis d'or, la somme de 2 400 livres qui faisait la moitié de la pension. Il assaisonna son présent de quantité de douceur dans le goût de la vieille cour. Manon ne put lui refuser quelques baisers. C'était autant de droits qu'elle acquérait sur l'argent qu'il lui mettait entre les mains. J'étais à la porte, où je prêtais l'oreille, en attendant que Lescaut m'avertît d'entrer. Il vint me prendre par la main lorsque Manon eut serré l'argent et les bijoux, et, me conduisant vers M. de G.M., il m'ordonna de lui faire la révérence. J'en fis 2 ou 3 des plus profondes. « Excusez, monsieur, lui dit Lescaut, c'est un enfant fort neuf. Il est bien éloigné, comme vous voyez, d'avoir les airs de Paris. Mais nous espérons qu'un peu d'usage le façonnera. Vous aurez l'honneur de voir ici souvent, monsieur, ajouta-t-il en se tournant vers moi. Faites bien votre profit d'un si bon modèle. » Le vieil amant parut prendre plaisir à me voir et me donna 2 ou 3 petits coups sur la joue en me disant que j'étais un joli garçon, mais qu'il fallait être sur mes gardes à Paris, où les jeunes gens se laissent aller facilement à la débauche. Lescaut l'assura que j'étais naturellement si sage que je ne parlais que de me faire prêtre et que tout mon plaisir était à faire de petites chapelles. « Je lui trouve de l'air de Manon, » reprit le vieillard en me haussant le menton avec la main. Je répondis d'un air niais, « Monsieur, c'est que nos deux chairs se touchent de bien proche. Aussi, j'aime ma sœur Manon comme un autre moi-même. L'entendez-vous » dit-il à Lescaut, « il a de l'esprit. C'est dommage que cet enfant-là n'ait pas un peu plus de monde. « Oh, monsieur, » repris-je, « j'en ai vu beaucoup chez nous dans les églises, et je crois bien que j'en trouverai à Paris de plus sots que moi. »« Voyez, » ajouta-t-il, « cela est admirable pour un enfant de province. » Toute notre conversation fut à peu près du même goût pendant le souper. Manon, qui était badine, fut sur le point plusieurs fois de gâter tout par ses éclats de rire. Je trouvai l'occasion, en soupant, de lui raconter sa propre histoire et le mauvais sort qui le menaçait. Lescaut et Manon tremblaient pendant mon récit, surtout lorsque je faisais son portrait au naturel. Mais l'amour-propre l'empêcha de s'y reconnaître et je l'achevai si adroitement qu'il fut le premier à le trouver fort risible. Vous verrez que ce n'est pas sans raison que je me suis étendue sur cette ridicule scène. Enfin, l'heure du sommeil étant arrivée, il parla d'amour et d'impatience. Nous nous retirâmes, Lescaut et moi, on le conduisit à sa chambre, et Manon, étant sortie sous prétexte d'un besoin, nous vint joindre à la porte. Le carrosse qui nous attendait 3 ou 4 maisons plus bas s'avança pour nous recevoir. Nous nous éloignâmes en un instant du quartier. Quoique, à mes propres yeux, cette action fût une véritable friponnerie, ce n'était pas la plus injuste que je crusse avoir à me reprocher. J'avais plus de scrupules sur l'argent que j'avais acquis au jeu. Cependant, nous profitâmes aussi peu de l'un que de l'autre, et le ciel permit que la plus légère de ces deux injustices fût la plus rigoureusement punie. Monsieur de G.M. ne tarda pas longtemps à s'apercevoir qu'il était dupé. Je ne sais s'il fit, dès le soir même, quelques démarches pour nous découvrir, mais il eut assez de crédit pour n'en pas faire longtemps d'inutile, et nous assez d'imprudence pour compter trop sur la grandeur de Paris et sur l'éloignement qu'il y avait de notre quartier au sien. Non seulement il fut informé de notre demeure et de nos affaires présentes, mais il apprit aussi qui j'étais, la vie que j'avais menée à Paris, l'ancienne liaison de Manon avec B, la tromperie qu'elle lui avait faite, en un mot, toutes les parties scandaleuses de notre histoire. Il prit là-dessus la résolution de nous faire arrêter et de nous traiter moins comme des criminels que comme de fieffés libertins. Nous étions encore au lit lorsqu'un exempt de police entra dans notre chambre avec une demi-douzaine de gardes. Ils se saisirent d'abord de notre argent, ou plutôt de celui de monsieur de G.M., et, nous ayant fait lever brusquement, ils nous conduisirent à la porte où nous trouvâmes 2 carrosses, dans l'un desquels la pauvre Manon fut enlevée sans explication et moi traînée dans l'autre à Saint-Lazare. Il faut avoir éprouvé de tels revers pour juger du désespoir qu'ils peuvent causer. Nos gardes eurent la dureté de ne pas me permettre d'embrasser Manon ni de lui dire une parole. J'ignorais longtemps ce qu'elle était devenue. Ce fut sans doute un bonheur pour moi de ne l'avoir pas su d'abord, car une catastrophe si terrible m'aurait fait perdre le sens et peut-être la vie. Ma malheureuse maîtresse fut donc enlevée à mes yeux et menée dans une retraite que j'ai horreur de nommer. Quel sort pour une créature toute charmante qui eût occupé le premier trône du monde si tous les hommes eussent eu mes yeux et mon cœur. On ne l'y traita pas barbarement, mais elle fut resserrée dans une étroite prison, seule, et condamnée à remplir tous les jours une certaine tâche de travail comme une condition nécessaire pour obtenir quelque dégoûtante nourriture. Je n'appris ce triste détail que longtemps après, lorsque j'eus essuyé moi-même plusieurs mois d'une rude et ennuyeuse pénitence. Mes gardes, ne m'ayant point averti non plus du lieu où ils avaient ordre de me conduire, je ne connus mon destin qu'à la porte de Saint-Lazare. J'aurais préféré la mort, dans ce moment, à l'état où je me crus près de tomber. J'avais de terribles idées de cette maison. Ma frayeur augmenta lorsqu'en entrant, des gardes visitèrent une seconde fois mes poches pour s'assurer qu'il ne me restait ni armes ni moyens de défense. Le supérieur parut à l'instant. Il était prévenu sur mon arrivée. Il me salua avec beaucoup de douceur. Mon père, lui dis-je, point d'indignité. Je perdrai 1000 vies avant que d'en souffrir une. Non, non, monsieur, me répondit-il. Vous prendrez une conduite sage et nous serons contents l'un de l'autre. Il me pria de monter dans une chambre haute. Je le suivis sans résistance. Les archers nous accompagnèrent jusqu'à la porte et le supérieur y étant entré avec moi, leur fit signe de se retirer. « Je suis donc votre prisonnier, lui dis-je. Eh bien, mon père, que prétendez-vous faire de moi ?» Il me dit qu'il était charmé de me voir prendre un ton raisonnable, que son devoir serait de m'inspirer le goût de la vertu et de la religion, et le mien de profiter de ses exhortations et de ses conseils, que, pour peu que je voulusse répondre aux attentions qu'il aurait pour moi, je ne trouverais que du plaisir dans ma solitude. « Du plaisir !» repris-je. « Vous ne savez pas, mon père, l'unique chose qui est capable de m'en faire goûter. »« Je le sais, » reprit-il, « mais j'espère que votre inclination changera. » Sa réponse me fit comprendre qu'il était instruit de mes aventures et peut-être de mon nom. Je le priai de m'éclaircir. Il me dit, naturellement, qu'on l'avait informé de tout. Cette connaissance fut le plus rude de tous mes châtiments. Je me mis à verser un ruisseau de larmes avec toutes les marques d'un affreux désespoir. Je ne pouvais me consoler d'une humiliation qui allait me rendre la fable de toutes les personnes de ma connaissance et la honte de ma famille. Je passai ainsi 8 jours dans le plus profond abattement, sans être capable de rien entendre ni de m'occuper d'autre chose que de mon opprobre. Le souvenir même de Manon n'ajoutait rien à ma douleur. Il n'y entrait, du moins, que comme un sentiment qui avait précédé cette nouvelle peine, et la passion dominante de mon âme était la honte et la confusion. Il y a peu de personnes qui connaissent la force de ces mouvements particuliers du cœur. Le commun des hommes n'est sensible qu'à 5 ou 6 passions dans le cercle desquelles la vie se passe et où toutes leurs agitations se réduisent. Ôtez-leur l'amour et la haine, le plaisir et la douleur, l'espérance et la crainte, ils ne sentent plus rien. Mais les personnes d'un caractère plus noble peuvent être remuées de 1000 façons différentes. Il semble qu'elles aient plus de 5 sens et qu'elles puissent recevoir des idées et des sensations qui passent les bornes ordinaires de la nature. Et comme elles ont un sentiment de cette grandeur qui les élève au-dessus du vulgaire, il n'y a rien dont elle ne soit plus jalouse. De là vient qu'elle souffre si impatiemment le mépris et la risée, et que la honte est une de leurs plus violentes passions.